Cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ar-Rahman ala al-arsh istawa fi sab'i mawadhi'. Donc dans ce nouveau chapitre, al-imam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a cité les preuves anna Allah azza wa jal استوى على عرشه أي أن الله سبحانه s'est élevé au-dessus de son trône. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى après avoir créé les cieux et la terre il s'est élevé au-dessus de son trône. قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع أي dans sept passages du Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé annahu il est au-dessus de son trône subhanahu. Qala fi sourate al-A'raf qawluhu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Wa qala fi sourate Yunus alayhi salam inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Wa fi sourate ar-Ra'd لله الذي أو الله نعم وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé أنه عز وجل استوى على عرشه. أي أنه il est au-dessus de son trône. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه أي قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد هو استوى على العرش نعم ثم استوى على العرش إذن سورة طه الرحمن على العرش استوى قال فهو نص في معناها الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر نعم لأن vous avez remarqué que dans tous ces versets الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى il a pas employé un autre mot ça nous montre أننا en tant que croyants on doit avoir l'iman on doit avoir la conviction أن الله سبحانه وتعالى إلى فاء هذا الفعل الاستواء من الصفات الفعلية الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي الله سبحانه وتعالى إلى فاء cette action il s'est élevé au-dessus de son trône après avoir créé les cieux et la terre. يجب على الجميع الإيمان بهذه الصفة العظيمة. قال والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. Donc on a toujours la même règle ولله الحمد أن هذه الصفات الواردة في القرآن أو في السنة tous ces attributs que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن أو qu'il a révélé عز وجل à son prophète sallallahu alayhi wa sallam تليقوا بالله c'est des attributs qui sont réservés à Allah subhanahu wa ta'ala et vu qu'ils sont réservés à Allah subhanahu wa ta'ala tu ne dois pas comprendre cet attribut comme tu comprends ce sens qui est des fois attribué à l'être humain et faire la comparaison. Maintenant, un être humain qui est au-dessus d'une chose, il a besoin de cette chose. S'il monte au-dessus d'une chaise, et si tu enlèves la chaise, il tombe. Il a besoin de la chaise. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du arsh, et c'est le arsh qui a besoin d'Allah. L'imam, il y en a toutes les créatures, elles ont besoin d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ce trône. Et c'est lui qui gère toute la création. Fala yajouz de faire ce genre de comparaison. Pourquoi on a cité ce point? Les anna ba'd ahl al-bid'a wa ad-dalal min al-mu'attila, ils ont rejeté hadhihi as-sifa à cause de ce genre d'ambiguïté. Et inshallah ta'ala, on lira kalam Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah fi hadha. Qala wa lahu fi lughat al-arab arba'atu ma'an, ay al-istiwa. En langue arabe, al-istiwa, العلماء ils ont cité quatre sens. قال هي على وارتفع وصعد واستقر. أما قوله على وارتفع وصعد, le sens c'est le même. Ça vient de l'ulu ou l'irtifع ou l'soud, c'est le fait d'être au-dessus, le fait d'être élevé. هذا c'est clair. أما قوله واستقر, هذا سنطخ الصنص. قال وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآيات الكريمة. أما les trois premiers sens, alors ces trois premiers mots plutôt qui ont le même sens, على وارتفع وصعد, هذا c'est l'ijma' al-salaf, l'unanimité des salaf et des savants de la sunna. Ils ont expliqué al-istiwa par al-ulu. Et on verra une différence avec al-ulu. Lakin huna c'est un ulu khas. C'est un ulu, et traduit l'ulu par l'élévation, c'est un ulu spécifique à al-arsh. Amma al-ulu al-mutlaq, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours été au-dessus. Avant d'avoir créé les cieux et la terre, il était déjà au-dessus. Pourquoi? Li anna al-ulu c'est une sifa dhatiya. Amma al-istiwa c'est une sifa fi'liya. Al-Alama Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, après avoir cité le chapitre de Al-Ulu, il a cité ces différences. Lakin, le citer huna, c'est important. Ala kulli hal, anna al-ulama attafaqu ala hadhihi al-ma'ani al-thalath. Al-Ulu wa al-irtifa' wa al-su'ud. Amma qawluhu wa istaqarra, fa ba'd al-ulama qalu bi hadha, minhum huna Cheikh Al-Fawzan et beaucoup de savants. Lakin, al-imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, dans son livre Al-Ulu, et c'est une référence fi hadha al-bab, et ça c'est une faïda, celui qui veut étudier ce sujet en profondeur, en détail, ma yata'alaq bil istiwa wal ulu, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a ces deux attributs, al-istiwa wal ulu, annahu il est au-dessus de son trône et il est au-dessus de toute la créature, une des références c'est hadha al-kitab Al-Ulu de l'imam الذهبي رحمه الله كذلك المختصر il est beaucoup plus simple المختصر le résumé de l'imam الألباني عليه رحمة الله وهكذا un autre livre très important في هذا الباب وهو اجتماع الجيوش الإسلامية de l'imam ابن القيم رحمة الله عليه il a écrit un livre كذلك sur cette مسألة فعلى كل حال الإمام الذهبي رحمه الله dans son livre انكر هذا التفسير il a rejeté هذا التفسير. Et il a démontré anna staqarra, l'istiqrar, c'est quelque chose de za'id ala al-ulu. C'est pour ça qu'il n'a il a pas accepté cette explication. Et l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, dans al-Mukhtasar, dans le résumé de al-ulu de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, il a répondu à ceux qui prétendent anna l'imam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il a expliqué al-istiwa par l'istiqrar kadhalik. فقال فأين رأيت ابن تيمية رحمه الله يقول بالاستقرار على العرش هذا il faut des arguments. Celui qui prétend que l'imam ibn Taymiyyah رحمه الله قال هذا il doit citer une référence. Et même si on قدر أن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال بهذا, ça veut pas dire que c'est forcément la vérité. L'imam ibn Taymiyyah رحمه الله c'est Cheikh al-Islam, c'est un imam kabir عليه رحمة الله, lakin il peut se tromper, on peut accepter ses paroles et on peut en rejeter, bien sûr. Voilà. Tout ça fondé sur les arguments. Ala kulli hal, l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, il a montré un ibn Taymiyyah, d'après ses connaissances, il n'a jamais dit hadha. Qala ilman bi annahu amrun za'id ala al-ulu. C'est pour ça que بعض العلماء ils ont rejeté هذا. منهم الإمام الذهبي رحمه الله et كذلك الإمام الألباني il a appuyé la parole de l'Imam al-Zahabi. لماذا؟ لأن الاستقرار c'est quelque chose de en plus. L'istiqrar tu peux traduire par être stable. الذي يستقر c'est celui qui reste. Bien sûr, c'est un sens en plus. Et ce sens en plus, il faut un dalil. Il faut une preuve. Min al-Qur'an wa min al-Sunnah. Amma, la preuve claire, elle montre que al-Istiwa, c'est bima'ani, ou bima'na plutôt al-Ulu. Hada, c'est d'après l'unanimité. Qala wa huwa mimma lam yarid bihi al-shar' wa lithalika ra'ayna mu'allifana al-hafiz al-dahabi faqad ankara ala ba'd al-qa'ilin. Donc ça reste une divergence entre les savants de la sunna. Anna ba'dahum, ils ont rajouté al-istiqrar, staqarra, dans le sens de al-istiwa. D'autres imams, ils ont rejeté hada. Fallahu ta'ala a'la. Walladhi yadhhar anna qawl al-imam al-dhahabi rahimahullah wa al-imam al-albani, c'est un qawl qawl. Lianna, dans la langue, al-istiwa, c'est bima'na al-ulu. On a beaucoup de preuves qui appuient à ça. Cette chose en plus, ce sens en plus, istaqarra, ça demande un dalil. Fallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-'alama Cheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala fa qawluhu fi al-ayat al-oula wa al-thaniya aw hadha sahl li al-shahid et on résume avant ana 'ala kulli hal al-istiwa sabi ma'na al-'ulu. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Et il s'est élevé au-dessus de son trône après avoir créé les cieux et la terre. Kama akhbara subhana. Thumma qala Cheikh al-Fawzan qawluhu thumma stawa ala al-arsh. Dans la même page, lakin en bas. Ay ala wartafa ala al-arsh kama yaliqu bi jalali. Wa hadha mahallu al-shahid min al-aya. Et c'est ça al-shahid. En Allah subhanahu wa ta'ala stawa ala al-arsh. قال والعرش في اللغة هو سرير الملك يترجم par le trône. والمراد به هنا كما يدل عليه مجموع النصوص سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. Ça ça nous montre que c'est un vrai arche. Pas comme ils ont dit الضلال المحرفة أن pour eux العرش c'est الملك. العرش بعضهم il l'explique par الملك. انظروا même les créatures. Dans certaines créatures, ils font du ta'wil et ils font du tahrif. Al-Arsh, c'est une créature parmi les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ayn al-mani'? Il est où le problème si on dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est sur son trône et il a un trône? Ayn al-mani'? Lakin da'iman hum, ils ont cette ambiguïté de la comparaison. Qala sarirun dhu qawa'im tahmiluhu al-mala'ika. Et ça, c'est un dalil que c'est un vrai arsh. كما جاء في القرآن أن des anges portent ce trône. Ça nous montre que c'est un vrai trône. قال وهو كالقبة على العالم. العالم بفتح اللام. أي المخلوقات, les créatures. وهو سقف المخلوقات. Donc, هذا العرش, c'est le plafond des مخلوقات. أي الله سبحانه وتعالى, il est au-dessus du عرش. Et toutes les créatures, elles sont en dessous de ce trône. فهو أعلى المخلوقات. والله أعلم. قال رحمه الله أو حفظه الله. ثم tous les versets, on ne lira pas à chaque fois. الشاهد, tous les versets, c'est le même شاهد. ثم استوى على العرش. فقال dans le dernier verset. ثم استوى على العرش هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء والكلام على بقية الآيات كالكلام على هذه الآية. Donc tous ces versets ont le même sens. أي on parle du شاهد قوله ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى. On attribue donc et on croit que Allah سبحانه وتعالى il a cet attribut الاستواء. كذلك هنا on peut rajouter et on avait cité فيما أذكر ces deux hadiths qu'on va ajouter al-an ensemble dans le dars al-iqtisad fi al-i'tiqad bab al-istiwa fi ma athkur, on avait cité ces hadiths, lakin on les répète On a des hadiths fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui montrent كذلك هذه الصفة الاستواء. Le premier hadith, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي أي قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرضين والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc c'est le même lafz que dans le Coran. ثم استوى على العرش. الحديث رواه الإمام النسائي في الكبرى والإسناد إلى حسن. وكذلك في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمة الله عليه عن قتادة ابن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. قال الإمام الذهبي رحمه الله كما في مختصر العلو رواته ثقات انتهى. نعم الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى حقق هذه الأحاديث. فالسلوي كي بي أو بلطو لدوني السلوي كي بي التوسع في هذا يغبين تحقيق دي الشيخ الألباني أو بلطو سو مختصر مختصر العلو. الإمام ابن القيم رحمه الله لا ستي سو حديث دان سيغتان تسيلي وإلا أكسبتي فالحمد لله. على كل حال on a donc plusieurs versets في القرآن الكريم et on a ces deux hadiths qui montrent أن الله عز وجل استوى على العرش. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر وفسر العرش بأنه الملك. donc أهل البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم من المعطلة إذا حرف هذه الآيات إذا ont dit أن الاستواء c'est بمعنى الاستيلاء الاستيلاء والقهر العرش c'est الملك الاستيلاء c'est le fait de prendre le dessus القهر ça vient de الغلبة c'est le fait de dominer. donc هم ils ont dit قوله ثم استوى على العرش أي أن الله سبحانه وتعالى استوى على المخلوقات لأن العرش بغوث الملك. هذا القول إلى باطل. لماذا؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وهذا باطل إلى سيتي أو بلتو دان هذه الطبعة إذن سيتي un kalam jamil fil hashiya qu'on peut lire la note numéro 1. قال داود ابن علي الاصبهاني كنت عند ابن الاعرابي فاتاه رجل فقال ما معناه قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. فقال ابن الاعرابي هو على عرشه كما اخبر. فتاملوا لا اكسبليكي الاستواء par العلو هو على عرشه كما اخبر. سي طريقه السلف. الله سبحانه وتعالى nous a informé انه إلى على العرش الرحمن وعلى العرش استوى. فقال الله سبحانه وتعالى إلى أودوسو دو سون ترون كومي نوزا انفورمي. فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فهذا الرجل إلى ديا ابن الأعرابي لو سونس استولى. فقال ابن الأعرابي ما يدريك. هذا سؤال طيب لأن من أخبر هذا الرجل أن الاستواء بمعنى استولى. تقدم معنا أن صفات الله عز وجل on a qu'un moyen pour affirmer ces annonces. On a qu'un moyen pour pouvoir dire Allah سبحانه وتعالى il a cet attribut avec les textes. لماذا؟ لأن personne de nous n'a vu هذا الفعل. Et personne de nous n'a vu Allah سبحانه وتعالى. Et personne de nous n'a vu le trône. Enfin, comment se prononcer dans une chose qu'on n'a pas vue? Et كذلك, on n'a pas vu de semblable. قال عز وجل ليس كمثله شيء. Donc c'est une chose de l'invisible pour nous. Tu as qu'un moyen pour pouvoir te prononcer via هذا الباب, c'est les textes. قال عز وجل ثم استوى على العرش. Dans plusieurs versets. فلهذا قال ابن الأعرابي وما يدريك. Qui c'est qui t'a informé بهذا? D'où ça vient? قال العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد فأيهما غلب فقد استولى نعم et il a répondu كذلك avec la langue arabe لأن استولى أي الاستيلاء cette explication que le معطلة ils ont donné c'est بمعنى ماذا c'est بمعنى الغلب أي الله سبحانه وتعالى il a dominé il a réussi à vaincre C'est ça leur sens, iyadun billah. Et هذا, c'est très très grave. لماذا? كما قال هنا, حتى يكون له مضاد. C'est comme si quelqu'un avait réussi à s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala pendant un moment, ثم Allah subhanahu wa ta'ala استوي على العرش, et il a réussi à prendre le dessus. هذا, c'est très très grave. Personne ne peut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut une chose, فيقول كون فيكون. Ça nous montre la gravité de هذا التفسير. Et Cheikh Al-Fawzan, Hamidallah, il a cité هذا. فقال, فهذا باطل من وجوه كثيرة منها. أولا, أن هذا تفسير محدث, مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم, وأول من قال به الجهمية والمعتزلة فهو مردود. أولا, cette explication, elle n'était pas connue عند السلف. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum wa a'immatu tabi'in et ceux qui les ont suivis, ils n'ont jamais expliqué l'istiwa par istawla. Donc ça c'est une bid'a qui est arrivée après. Thaniyan, لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع فلا يكون لذكر العرش فائدة هذا سنرد جميل فاسين غيفوتاسيون كي تري تري فورت قال شيخ الفوزان حفظه الله أنه سي المراد بالاستواء سسوغي الاستيلاء أي أن الله سبحانه وتعالى toutes les créatures elles sont sous son autorité tout le monde fait partie du royaume d'Allah سبحانه وتعالى de ses créatures Est-ce que هذا c'est spécifique pour le trône? Si ça serait le sens, istawa bistawla, sans regarder ce qu'on a dit auparavant avec les imperfections, les défauts que ça implique. Là, on reste que sur le fait que istawla, c'est le fait de gérer de tout ce que toutes ces créatures, elles appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une différence entre le trône et les êtres humains? Il n'y a pas de différence. Allah, il a créé le trône et il a créé l'être humain. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, etc. Donc, pourquoi, si ça serait ça le sens, pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il aurait spécifié l'arche? Ça aurait aucun sens. Et ça serait d'aucune utilité. C'est très, très grave. Alors que, en tant que croyant, walillahi alhamd, on sait que, al-Qur'an, lahu ma'ani azima. Pourquoi? Li'annahu se kalamu al-haq subhanah. Ça, c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. Et les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elles ont un sens. Et d'après leur explication, ça implique ce que Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il a dit. فَلِهَذَا قَالِ أَنَّهُ مُسْتَوْلٍ عَلَى الْجَمِيعِ وَمَالِكٌ لِلْجَمِيعِ فَلَا يَكُنْ لِذِكْرِ الْعَرْشِ فَائِدَةً Si ça aurait été ça, le sens, le fait d'avoir cité l'arche, il n'y aurait pas de faïda. Et un profit. هذا إن شاء الله سيكلير ثالثا أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص Pourquoi donner ce sens alors que toutes les preuves sont avec ce mot استوى ça nous montre que celui qui rejette ce mot et il l'interprète avec un autre sens c'est un écarté لماذا لأنه يدرس للتكست Et pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cette explication? Pourquoi Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, wa ghayruhum min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum jami'an, ils n'ont pas expliqué istawa par istawla. Alors que c'était ahras an-nas bil 'ilm. Et c'était ceux qui faisaient le plus d'efforts dans la lecture du Coran. Et c'est eux qui ont compris le mieux le Coran al-Karim. Est-ce qu'on va délaisser la compréhension de ha'oula et la voix? De Ha'oula, As-Sabiqoun, Al-Awwaloun, Min Al-Muhajirin, Wal-Ansar, et on va suivre Al-Jahmiya, Wal-Mu'tazila, wa ghayruhum min Ahlil Bida'a, Wal-Dalal. Qala rabi'an, quatrièmement, أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة. ثم en langue arabe c'est un harf qui montre كما قال الترتيب والمهلة. Tu peux le traduire par ensuite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que c'est le créateur. Il crée ce qu'il veut. ثم ensuite, il a fait cette action. هذه الصفة الفعلية الاستواء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في صحيح مسلم. نعم وكان عرشه على الماء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وليس معه شيء وكان عرشه على الماء. Ce hadith il montre que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le trône avant les cieux et la terre. Et sur cela on est tous d'accord. Donc si on dit comme haoula, iyadan billah wa nas'alullah al-afiyah wa salam. An haoula ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala istawa 'ala al-arsh, ay istawla 'ala al-arsh. Ay c'est le fait de le posséder, de le gérer ila akhiri. Vu qu'on a le harf thumma, ça veut dire que avant ce moment, et après avoir créé les cieux et la terre, Allah Azza wa Jal, stawa ala al-arsh. Donc avant, on se pose la question, et avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne possédait pas hadha al-arsh? Est-ce que avant, ce arsh, il appartenait pas à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce que ça implique leur parole. C'est pour ça qu'elle est très très grave. Faqala al-shaykh al-fawzan, faqayfa yajouz, an yakuna ghayra qadirin wala mustawlin alayh, ila an khalaqa al-samawati wal-ard. Ça veut dire que toute cette période, Cheikh Al-Fawzan, il a précisé 50 000 ans. Toute cette période, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était pas qadirun ala hadha al-arsh? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, kana la yamlik hadha al-arsh? N'ayyadan billah. C'est pour ça que Al-Istawla, il donne un exemple. Et ça y est, ma'ana min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, lakin on le cite là pour vous clarifier encore plus. Istawla, en langue arabe, il le cite, mathalan, anna hadha al-rajul istawla ala hadha al-balad. Ils disent « Cet homme, il staoula ala hadha al-balad ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, il a réussi à conquérir ce pays. Mathalan, des révolutionnaires, ils font une révolte, ils arrivent à conquérir un pays. Et ce pays, il ne leur appartenait pas. Ils font un coup d'état, ils font tomber le gouverneur. « Thumma, un de haoula, yastawli na'am ala al-balad ». Il staoula ala balad kada. Ça veut dire qu'il a réussi à le récupérer, à le prendre, à vaincre un ennemi, à vaincre un opposant. C'est ça, ma'ana istawla, en langue arabe. Donc, expliquer istawa par istawla, ça implique ces choses graves. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est malik yawmiddin, c'est rabbul alamin. Il possède tout. Personne ne peut le vaincre, personne ne peut s'opposer à lui, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Il a tout qadr. Donc, après cette brève explication, on s'aperçoit que l'égarement de Haoula, il est chadid. Il est très très grave. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا من أبطل الباطل والله أعلم. Et كذلك, on peut ajouter avant de lire Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, pour voir s'il a ajouté d'autres choses. Lakin avant qu'on oublie, Al-Khalil, من أئمة اللغة, rahmatullah alayhi, أنكر أن يكون استوى بمعنى استولى en langue arabe. أئمة اللغة كالخليل et autres, c'est des grands imams en langue arabe, ils ont rejeté le fait d'expliquer istawa par istawla. En langue arabe, ça n'existe pas. Et ce Coran, il a été révélé bi lughat al-arab, Coranan arabiyan ghayra dhi 'iwajin, hakada qala 'azza wa jalla. Un Coran, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe claire. Et أئمة اللغة, les arabes, ceux qui connaissaient la langue arabe, qui étaient enracinés dans cette science, ils nous ont démontré, ah non, ça n'existe pas, hada. Istawa, tu l'expliques par istawla. Istawa, c'est le fait d'être élevé, c'est lié avec l'élévation, al-ulu. Istawla, c'est al-ghalaba, ou al-qahr, c'est le fait de dominer. Donc tu ne peux pas expliquer istawa par istawla. Et ça nous montre أن القوم عياذا بالله يسويف لغ باسيون أي المعطلة. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه dans son شرح après avoir cité le premier verset أي من سورة الأعراف قال وفسر أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استوى عليه أو استولى عليه كما نعطي من كلام شيخ الفوزان قالوا واستدلوا لتحريف هذا بدليل موجب وبدليل السالب ففي شرح الإمام العثيمين رحمة الله عليه il a démontré les arguments de هؤلاء et ceux qui ont prétendu que istawa c'était bimana staula ils se sont appuyés sur quoi قال أولا قالوا إننا نستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مرهاق ils se sont appuyés sur ce vers de poésie قد استوى بشر على العراق هذا الشاهد بشر قال ابن مروان استوى يعني استولى على العراق vous avez remarqué que dans ce vers de poésie هذا الشاعر ce poète il a dit قد استوى بشر على العراق Il a employé le mot stawa au lieu de stawla. Aïe, Bishrun, il a réussi à conquérir l'Irak. Stawla. Lakin, ils ont employé le mot stawa. Fahaoula al-munharifoun, al-dullal, min al-mu'attila. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah, on a une preuve. On a une preuve que stawa, ça peut être le sens de stawla. Et ils ont cité ce vers de poésie. Hada awulan. أما le deuxième dalil et on va répondre إن شاء الله تعالى من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a cité أولا leurs deux arguments ثم il a répondu leur deuxième dalil قالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار تقدم معنى الاستقرار فيه نظر لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش وهذا مستحيل واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم ils ont dit كذلك le fait de dire qu'Allah il est au-dessus du trône Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de ce trône. Donc on peut pas dire qu'Allah il est au-dessus de ce trône. Ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. L'être humain même quand il s'assoit sur un trône, sur une chaise, sur quelque chose, si tu enlèves cette chose, il a besoin de cette chose. Enfin, si tu lui enlèves, rabbama il tombe ou muhim, il a besoin de cette chose. Enfin, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de rien. Donc on peut pas dire qu'il est stawa ala arshi. Andurou. الانحراف والضلال قال رحمه الله والرد عليهم من وجوه et كذلك un dernier إشكال qu'on peut citer ou un dernier argument et ils ont dit كذلك ولازم من ذلك أن يكون جسما لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم et كذلك si vous dites qu'Allah il est au-dessus de son trône ça veut dire qu'il a un corps الجسم Thumma, ils ont encore fait une comparaison Allah avec la créature. Donc trois choses. Ils se sont appuyés sur ce vers de poésie, kadhalik sur leur raison, le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, c'est qu'il a besoin du trône, et kadhalik ils l'ont fait ressembler à la créature, et c'est prétendre qu'Allah il a un jis. Ar-rad alayhim min wujuh. Cheikh Ibn Uthaymeen, il leur a répondu fi sharhihi rahmatullah alayhi. قال أولا تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف أولا السلف ils ont jamais expliqué الاستواء par الاستولى et ça والله الحمد c'est clair ثانيا أنه مخالف لظاهر اللفظ deuxièmement الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى et il a pas dit استولى donc من أين هذا كما قال ابن الأعرابي وما يدريك qui c'est qui les informé أن استوى بمعنى استولى الله سبحانه وتعالى أصدق قيل وأحسن حديث الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه أي نزافهم أنه استوى ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة leur explication ça implique des choses très très graves qu'on a vu ensemble والله الحمد من كلام شيخ الفوزان لكن on les répète en lisant كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو باختصار أولا قال يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فقوله ثم تفيد الترتيب فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. C'est ça que ça implique. Vu que pour eux, استوى, ça veut dire استولى. استولى, ça veut dire posséder, vaincre, dominer. Ça veut dire que avant d'avoir créé les cieux et la terre, vu qu'Allah nous a informé que l'istiwa, il l'a fait après la création des cieux et de la terre, ça veut dire qu'avant, avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il possédait pas son trône. Voilà, c'est très très grave. ثانياً, أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة ولا أحد يغالب الله. كذلك استولى en langue arabe, elle est souvent appliquée cette parole pour montrer le ghalaba et le fait de vaincre. L'exemple qu'on a cité, أن فلان استولى على تل بلاد. Un homme استولى sur tel pays. Et il a réussi à renverser le gouverneur, un coup d'état, et il prend le pouvoir. Et qui c'est qui peut battre Allah subhanahu wa ta'ala? هذا سي تري تري غراف والله سبحانه وتعالى سي القهار ومن معاني القهار سي الغلبه والقوه الله سبحانه وتعالى سي القوي سي العزيز سي الجبار طول موندي سو سون اوتوريتي الله سبحانه وتعالى يفي سو كي لو ثالثا من اللوازم الباطله انه يصح ان نقول ان الله استوى على الارض والشجر والجبال لانه مستول عليها. Et vu qu'ils ont expliqué stawa par stawla, si on dit c'est le fait de posséder, dominer, Allah subhanahu wa ta'ala, il possède kadalik la terre, il possède les montagnes, il possède les êtres humains. Est-ce qu'on va dire Allah subhanahu wa ta'ala stawa ala as-sama? Allah stawa ala al-insan? Hada la yajouz. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit stawa ala al-arsh. Ce fi'l, cette action, il l'a fait au-dessus du trône. Et il s'est élevé au-dessus du trône. Donc, on doit rester avec ce texte. Thumma qal, rahimahullah. وهذه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. Vu que ces implications elles sont fausses, ça nous montre que leurs arguments ils sont faux. Il y a un argument du Coran, de la Sunna, un argument qui est basé sur la vérité, il peut pas impliquer du faux. Et vu que eux leur argument ça implique des choses très très graves qu'on vient de lire, enfin leur aqida elle est très très grave, leur croyance. قال وأما استدلالهم بالبيت البيت هنا سبي معنى البيت الشعري أي leur argument qu'ils ont pris en citant le vers de poésie. فنقول on répète le vers de poésie au moins الشاهد قال الشاعر قد استوى بشر على العراق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثبت لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك السبيل. أولا Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah قال citez-nous qui c'est qui a cité ce vers de poésie. Est-ce qu'on peut l'accepter ou le rejeter? Ils ne pourront pas. Abadan et nous montrer ce que c'est une personne de confiance amla. Thaniyan, deuxièmement, man hadha al-qa'il? Afala yumkin an yakun qalahu ba'da taghyir al-lisan? هنا Cheikh Ibn Uthaymeen il a soulevé un point important wa huwa. Il faut comprendre que les savants de la langue arabe ils se sont basés sur les vers de poésie, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant ou après, et les poètes arabes. Ils maîtrisaient la langue arabe et leurs vers de poésie, c'était une source en langue arabe. Et quand ils voulaient citer une règle ou un mot, ils s'appuient sur des vers de poésie de Ha'oula al-Arab. Pourquoi ? Li'annahum, ils maîtrisaient la langue arabe. Et leurs vers de poésie, c'est des arguments. Cheikh Ibn Uthaymeen huna qala أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغيير اللسان؟ Ce vers de poésie, on ne sait pas qui c'est qui l'a dit. Est-ce que c'est possible que ce vers de poésie, c'est واحد, c'est une personne qui a dit ce vers, qui a dit cette parole et qui ne maîtrise pas la langue arabe? قال لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغيير اللغة العربية فإنه ليس بدليل. On ne peut pas prendre un argument, un vers de poésie qui est venu après que la langue arabe, elle a été altérée. La langue arabe, elle a été altérée. Beaucoup de choses, ils ont été changées, modifiées quand al-ajam ils sont rentrés fi din al-islam. Quand les musulmans, à la base, qui étaient des arabes, ils se sont mélangés avec des noms arabes. Que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Perse. Et autres, que ce soit en Andalousie. Al-Muhim, beaucoup de gens ils sont rentrés vi din illah wallahi alhamd et c'était pas des arabophones et la langue elle a été modifiée. On le voit aujourd'hui dans la plupart des pays arabes, la langue arabe c'est plus la langue littéraire qui était à l'époque du prophète sallam, la langue de Quraysh, etc. Donc On peut pas prendre un argument. Mazalan Wahed aujourd'hui, il écoute même si c'est un arabe, lakin il parle une chose, il m'a un dialecte, il m'a la langue arabe, comme dans certains pays, c'est mélangé avec le français, avec l'espagnol, avec autre langue, et il dit ça c'est un mot arabe, c'est un mot sahih. Pourquoi? Parce que un tel il l'a dit, c'est un arabe. Oh, il vit dans un pays arabe. Personne n'acceptera de lui. On accepte seulement la parole de Haoula, ceux qui étaient à l'époque et qui maîtrisaient la langue arabe, et c'était des arabophones. قال لأن العربية تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان وهذا فيه احتمال أنه بعد تغيير اللسان. Donc ce vers de poésie, الاحتمال, on peut dire pourquoi il a dit stawa au lieu de stawla. Il a employé le mot stawa pour stawla, c'est que c'était quelqu'un qui maîtrisait pas la langue arabe. Ou c'était une époque bien après l'époque du prophète alayhi salatu salam. Et comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. À la kulli hal, ça peut pas être un argument en langue arabe abadan. Surtout que ce vers il contredit des versets clairs et les imams de la langue arabe ils l'ont rejeté. Dernier point qu'on peut ajouter ici, وعد العلماء يقولون أن هذا البيت منسوب إلى رجل نصراني. Et ça c'est une musiba. بعض العلماء ils ont démontré que ce vers de poésie c'est un chrétien qui l'a dit. Et c'est pas بعيد أن هذا الرجل. Est-ce que c'est vrai ou pas? Allahu a'lam. Il faudrait faire des recherches. Il a appelé. لكن si c'est vrai, c'est pas بعيد أن وعد الناس ils ont هكذا mélangé volontairement pour pouvoir mettre des doutes aux croyants. À la kulli hal, le chemin, la voie de la réussite, c'est de revenir aux savants de l'islam et s'accrocher au texte. Et تنبيه هنا تذكرون أن هؤلاء ils ont une tariqa, on l'a déjà cité et on la recitera inshallah ta'ala, أنهم ils acceptent pas خبر الأحد. Khabar al-ahad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mutawatir. Al-mutawatir, c'est quand un certain nombre de rapporteurs, de narrateurs, ils rapportent un hadith. S'ils sont un certain nombre, 30, 40, 50, 100, al-ulama, ils appellent ce hadith mutawatir. Et ce genre de hadith, ils sont authentiques, il n'y a pas de problème. Et al-ahad, c'est tous les hadiths qui ne sont pas mutawatir. Un rapporteur, deux rapporteurs, trois rapporteurs, quatre dans une tabaka de la chaîne de transmission, hum, ils acceptent pas. Pourquoi? On parle de Al-Mu'tazila al-An et de Al-Jahmiya, Haoula al-Mu'attila, qui ont expliqué Stawa par Stawla. Pourquoi ils acceptent pas? Ils disent que, là, nous on accepte que le Mutawatir. Il y en a, ce narrateur ou deux, ils peuvent se tromper. Voyez. Pourquoi l'An, ils acceptent ce vers de poésie d'un homme, on sait même pas c'est qui, Allahu a'lam bihal, et bel ba'dhum, ils disent que c'est un chrétien. Pourquoi il l'accepte? Même si on prétend que c'est un musulman, même si on prétend que ce vers de poésie, c'est un imam de la langue arabe qui l'a dit. Pourquoi il rejette les ahadiths? Il rejette les ahadiths, et al-ahad, qui ne sont pas mutawatir, et avec peu de narrateurs dans la chaîne de transmission, même s'ils sont dans Sahih al-Bukhari et Sahih muslim. Et ils ont accepté ce vers de poésie. Hada, ça nous montre mada. Ça nous montre an al-munharif, al-munharif, al-mubtadi', min bab awla zindiq al-za'ir, il accepte ce qu'il veut et il rejette ce qu'il veut. L'imam Ali Anna, son but, c'est pas la vérité. Son but, c'est de renforcer sa position. Abadanaz, pour appuyer une position, pour défendre leur opinion ou leur chir, il s'accroche à tout et n'importe quoi. Au lieu de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître ses erreurs et chercher la vérité, Abadanaz, ayyadan billah, ibtulu bihada. Et tu as un exemple avec Haoula, Abdullal. Nas'alullah. سبحانه وتعالى السلامة والعافية. دونك هذه بعض الردود على هذه الشبه. أما قولهم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون لله جسما، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال وأما قولهم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون لله جسما فجوابه كل شيء يلزم من كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، لأنه قد يمنع أو يمنع أن يكون لازما، فإذا ثبت أنه لازم فليكن ولا حرج علينا إذا قلنا به. Et ça c'est très très important. Vous avez remarqué qu'ils ont dit ça implique, si vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala il est sur son trône, ça implique qu'il a un jism, il a un corps comme les êtres humains, etc. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah قال, il les a repris sur le mot yalzam, et ça implique كل شيء يلزم أو يلزم من كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. شيخ ابن عثيمين il a dit لكن est-ce que هذا c'est vraiment, ça implique vraiment cela, ça nous montre une faïda azima, attention. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas écouter les égarés ou ceux qu'on ne connaît pas, ahlul bid'ah wal majhoulin, surtout à notre époque. Les hommes ils vont te faire croire que des choses c'est clair, c'est logique, c'est vrai. Ils vont te dire, maintenant, telle chose, ça implique telle chose. Si tu ne fais pas attention, Anta, tu vas essayer de chercher une réponse. Alors que cette implication, à la base, elle est fausse. Tu n'as pas besoin de réponse. Maintenant, ce point, eux, ils disent que Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu dis qu'il est au-dessus de son trône, ça implique telle chose. Ce n'est pas vrai, ça implique pas cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, il fait ce qu'il veut, il ne ressemble pas aux créatures. Lakin, hum, ils essayent de rentrer mes hadal bab pour mettre des doutes. Fallait hadal shir mu'athimin rahimahullah qal huna, si vraiment ça impliquerait, qal fa idha thabata annahu lazim falyakun wa la haraj alayna idha qulna bi. Si ça serait vraiment, vraiment vrai, on l'aurait dit. On aurait dit, naam, il est où le problème? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit, ça implique cela, donc c'est vrai. Lakin intabihu. Thumma al-jism huna, c'est un mot qui est vague. Al-jism, on peut traduire par corps, par être. C'est vaste. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم نقول ماذا تعنون بالجسم الممتنع. Qu'est-ce que vous voulez par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il peut pas avoir de jism, un être مثلا. Qu'est-ce que tu veux par cela? قال شيخ ابن عثيمين ان اردتم بانه ليس لله ذات تتصف الصفات اللازمه لها اللائقه به فقولكم باطل. Si le fait de dire que le jism, Allah il a pas de jism, Allah il a pas d'être. Si le fait de dire cela, ça veut dire que Allah il a pas de sifat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas mawjoud, il a pas de sifat, il a pas d'attribut, etc. Ça c'est batil, ça c'est faux. Heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe et heureusement qu'il a des attributs. Chaque chose qui existe, elle a des attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy, c'est le qayyum, il existe et on a aucun doute qu'il a des attributs. قال وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون لله جسما الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله. أما si vous voulez par الجسم, أي le fait d'avoir un être, أنه c'est comme l'être humain avec des membres, avec des os, avec du sang, avec de la chair, فالله سبحانه وتعالى bien sûr qu'il n'a pas هذا. Pourquoi? Parce que Allah c'est le créateur. C'est l'être humain qui a ces choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Jami'a. Donc vous avez remarqué, هنا la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, فيها فوائد كثيرة. أولا, ne t'empresse pas à accepter la parole des gens, même s'ils te font croire que c'est vrai, même s'ils te font croire que ça implique. Et bien sûr, à la base, on n'a pas à écouter les égarés. ثانياً, un mot, il peut avoir plusieurs sens. مثلاً, cet égaré, il a rejeté ce mot, il y en a pour lui, pense que c'est une ressemblance aux créatures. Mais si ce mot, le sens, ça veut dire telle chose, enfin, bien sûr qu'on accepte que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe et il a des attributs, etc. Hada, wallahu a'lam, c'est un rad ala qawlihim, annahu jism. Amma qawluhum, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a, si on dit qu'il est au-dessus du trône, c'est qu'il a besoin, enfin, hada, c'est clair que c'est de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de rien et il a besoin de personne. Hada, ma yata'alaq bi sifati al استواء. Et demain, inshallah ta'ala, on lira la deuxième partie, c'est la suite, فالحقيقة, ou c'est lié plutôt, صفات العلو. أن الله سبحانه وتعالى, il est au-dessus de la créature. عز وجل. نكتفي بهذا. والحمد لله, et on passe à notre deuxième درس, بإذن الله جل وعلا.